Broadcasting. Culture where creativity was consumed, but the consumer is not a creator. A culture which is top down, owned, where the vocal cords of the millions have been lost. Digital technology is the opportunity for the revival of these vocal cords. I mean, culture where people produce for the love of what they're doing and not for the money. Bonjour et bienvenue en ce 22 mars au soir. Encore. En ce moment, oui, encore. Vous écoutez Les Amateurs de Mac, bonsoir. Ce show de questions-réponses où vous posez les questions et nous, on essaye d'avoir les réponses. Avec moi ce soir, j'ai un animateur qu'on voit à la caméra actuellement et qui est Bernard. Ça va bien, Bernard? Ça va bien, toi? Oui, pas mal. Passez une bonne semaine. Oui, toi? Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, en fait, tu étais avec moi bien confortablement chez toi. Et ouais. Moi et JF, on faisait la présentation pour le iPad au Apple Store de Sainte-Catherine, c'est ça? Exactement. Et on était en direct. Je trouvais que ça fonctionnait bien au début, avant que quelqu'un aille frapper sur les parapluies puis que la pluie se mette de la partie. Ça, mais non, ça fonctionne très, très bien. Puis c'était le fun. Oui. Ouais. By the way, je l'annonce en fait au gars de l'équipe, mais on va avoir un deuxième micro pour ce genre d'événement-là que je m'en vais acheter cette semaine. Donc, il y a un petit budget qui a été alloué pour ça. Et la prochaine fois, il va avoir un micro directement dans les mains de JF ou de la personne qui sera là. T'achètes-tu un micro comme le mien que j'ai présentement, que j'avais présenté? Ça, c'est USB, mais comme ça va être non, connecté. Il y a les deux. Oui, c'est vrai. XLR, USB, puis une prise d'écouteur. En tout cas, je dis ça de même. Je vais probablement prendre le même AKG que j'ai. Pour essayer d'avoir une stabilité au niveau du son et une qualité semblable. Il va falloir que j'aille le chercher avant le salon de l'Aquops, qui est au début du mois d'avril, où je m'en vais rencontrer les fabricants de tableaux blancs, les éditeurs de manuels scolaires numériques faits pour les tablettes, pour ne pas dire iPad, et puis leur poser des questions là, par rapport à Apple et son iBook et tout ça. Donc, voilà. By the way, c'est simple de la manière que ça fonctionne. On est 14 en ce moment. On est sur Spreecast maintenant. On a changé de plateforme depuis bientôt un mois, pratiquement. Et ça va, ma foi, très bien. Mm-hmm. Ouais. La plateforme, en fait, on a une meilleure qualité d'image au niveau de la vidéo. Le son nous laisse pas mal moins tomber. Donc, c'est pas mal intéressant. Et je vous invite, en fait, vous qui nous écoutez, les deux boutons qui sont en dessous de la fenêtre. Il y a le bouton Twitter et le bouton Facebook. Et si vous cliquez dessus, en fait, c'est directement pour inviter vos amis à venir nous écouter en direct. Donc, vous pouvez faire ça. Il y a aussi dans la fenêtre de chat, juste à côté du bouton Enter, bien, il y a l'espace pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous posez vos questions, vous faites enter, ben, vous faites comment and question, et puis nous, ouais. On va diffuser directement. Exact. Ce serait mieux de prendre le bouton comment or question parce qu'on peut glisser la question en image pour les gens qui puissent la voir. Voilà. On nous demande déjà dans le chat, avez-vous vu la semaine passée ou cette semaine, le plus gros éditeur de livres scolaires du Québec va faire ses livres en format électronique? Je ne suis pas tombé sur non plus. Nouvelle. Moi non plus. Mais en quel format électronique dans un premier temps? Et je parlais avec quelqu'un qui est très impliqué dans ce milieu-là, une de mes amies à moi, et c'est drôle parce que au niveau du format, des idées pour développer les trucs, c'est sûr que le iBook propose des innovations vraiment intéressantes, mais c'est comme s'ils n'allaient pas embarquer là-dedans parce qu'ils ont peur, il faut que ce soit leur contenu, puis tout ça. Puis c'est assez spécial, le domaine de l'édition du livre scolaire. Là. Tu fais un livre, tu ne sais pas s'il va être adopté par les écoles, faut qu'il passe au gouvernement, tout ça. Des affaires de gros sous, tout ça. Donc, ce qui va être pratique, c'est si jamais ça marche bien. Il y en a d'autres. En fait, c'est souvent ça. Quand il y en a deux, trois qui en poussent beaucoup, en fait, les autres, OK, là, on va perdre un marché si jamais on ne s'investit pas là-dedans. Donc, ils vont arriver avec... d'autres livres, en fait. Ouais, si je ne m'abuse, c'est de marque, la compagnie. Ah. Et si c'est de marque, c'est sûr que ça va être compatible Mac 100 000 à l'heure parce que c'est des gens qui ont été dans l'administration du Club Mac Québec il y a de cela plusieurs années, mais qui ont parti leur compagnie par la suite. On se souvient de la première application, par exemple, qu'ils ont sortie sur les iPhone et iPad il y a quelques années, qui donnait la possibilité, en fait, aux libraires québécois de vendre leurs bouquins via cette application-là. Et la raison pour laquelle ça a été fait comme ça, c'est qu'il y a une loi au Québec qui donne une espèce de pouvoir spécial aux librairies pour être les espèces de titulaires, de porte-étendard de la culture, tu sais, de la sauvegarde de la culture québécoise. Donc, tu sais, un peu comme à la radio, ils sont obligés d'avoir un certain nombre de contenus francophones. Bien, dans les librairies, en fait, ils sont un livre au Québec ne peut pas être vendu ou quelque chose comme ça si ce n'est pas à travers une librairie. Donc, c'est une vieille loi qui a été votée dans les années 70, qui est encore d'actualité, puis ouais. Il y a des raisons pour ça. Mais la pire loi que culturelle. Mais la pire loi, c'est en France. France, un livre papier ou un livre numérique, c'est la même chose, c'est le même prix. Donc, on peut se dire que le livre électronique, ça pogne pas vraiment? Bien, c'est normal. Parce que c'est le même prix. Voilà. Bien, tu sais, à moins qu'on y aille puis qu'on veuille, qu'on se dise, bon, bien, la facilité d'acquisition, tout ça, il y a tellement de désavantages avec les livres numériques, pas pouvoir le faire signer, pas pouvoir le prêter à quelqu'un. La location en bibliothèque, c'est fastidieux. J'ai des clients qui m'appellent, moi, sans cesse pour me dire, écoute, je comprends pas comment ça marche, là, faut que je m'authentifie, que je me crée un compte. C'est quoi cette marde-là? J'ai pas à faire ça avec un livre en papier. Je le prends, je l'ouvre, je le lis, je le passe à ma femme. Puis c'est tout, tu sais, c'est pas plus compliqué que ça. Là. Tu parles-tu de la Bibliothèque nationale avec leur offre de livres numériques? Ben, je sais qu'eux en ont, je sais pas si c'est facile ou pas, mais je sais qu'acheter un livre avec les DRM d'Adobe sur la boutique Archambault, par exemple, c'est vraiment pas bon. Là. OK. On va... on a un petit concours, Alexis. Est-ce que tu peux mettre en... à l'écran, qu'est-ce que les gens vont pouvoir gagner avec le petit concours? Bien, d'abord, aujourd'hui, on a cinq produits à donner à propos des questions. Donc, les produits qui sont à donner nous ont été envoyés. En fait, j'en ai trois qui nous ont été envoyés par Jonathan Laberge sur Twitter, si vous voulez lui parler. Il n'y a pas encore de compte pour la compagnie, mais la compagnie, c'est iPlanetPod qui fait des housses pour iPhone et... iPod Touch, voilà. Donc, des petites housses comme ça. C'est pas grand-chose, mais c'est de bon cœur. Il nous les a offert. Et on a des applications aussi à donner. On a deux licences de Hazel à donner à ceux qui vont nous poser des questions. Si on a plus de personnes qui nous ont posé des questions que de prix à donner, ben on va les faire tirer. Et ce qu'on fera, c'est qu'on les fera tirer un peu dans... En fait, il y a une plateforme très poussée qu'on utilise là, pour ça, pour faire un tirage random. Mais on va le faire aussi à partir des gens qui nous ont posé des questions dans le document. On nous rapportait en fait le fait que la semaine passée, ben, on donnait les applications à ceux qui étaient en ligne et qui nous écoutaient, mais on n'en donnait pas à ceux qui nous posaient des questions pendant la semaine. Donc, on va le faire pour ces gens-là. D'ailleurs, il y a une question cette semaine de quelqu'un qui est en fait notre première question de la semaine. Attends un peu, deux secondes. Je veux juste dire, mettons, s'il y a quelqu'un aussi qui veut se rajouter en vidéo, on peut tasser Vincent et ils peuvent embarquer avec nous autres, parce que vu que Vincent, il n'est pas là en vidéo, fait que si la personne veut parler en direct, au lieu de poser ses questions dans le chat, on va pouvoir mettre la personne... Oui, mais ça va-tu, ça fonctionne-tu comme Vaco? Parce que dans le c'est la même chose. Non, c'est la même chose. Oui, il y a la question du son. On risque d'avoir un son décalé, là, mais on va voir si on va s'essayer, en fait, parce si que, quelqu'un veut le faire. En fait, moi, je vais devoir couper le son parce qu'on ne peut pas l'enregistrer. Non? Donc, vu que ça passe par Skype, donc si jamais ça va être une question, on la répétera. Ça va être exclusif. Là, ça va être une question exclusive. Exclusive à aujourd'hui. Ceux qui écoutent. En live. Et on a un plus gros concours dont j'ai parlé effectivement dans le podcast Mac Québec, qui est un concours pour un smart cover vert pomme qui nous a été offert aussi par Jonathan Laberge de iPlanet Pod. Et on va le faire tirer en fait avec une page concours qu'on va rajouter sur le site web de Mac Québec. On va vous demander d'identifier en fait 5 photos de Apple Store à travers le monde. Donc, où est-ce qu'ils sont, ces Apple Store-là? Et parmi ceux qui auront répondu correctement, évidemment, ou qui auront donné les 5 bonnes réponses, on fera tirer le Smart Cover, qui est quand même d'une valeur de, je ne sais pas, c'est une cinquantaine de dollars? Je pense que c'est ça, un prix d'un Smart Cover, oui. Bravo, on le remercie, ce Jonathan Laberge, et je vous invite à le suivre sur Twitter. Prochainement, il va probablement avoir des développements là, au niveau de sa petite PME. Bravo. Cool. Donc, une première question? Oui, la première question de YF qui est avec nous en live. Ma copine fait du scrapbooking digital. Devrait-elle acheter un Mac Mini i5 ou un iMac i5? Elle veut utiliser Parallels et Windows 8 et installer PaintShop Pro de Corel. Bien, Windows 8, on va attendre en octobre. Est-ce que ça va être compatible avec Parallels? J'imagine que ça va prendre peut-être un petit délai en octobre là, avant que ça soit compatible. Mais le Windows 8 pour les consumers, là, le dernier, il n'est pas compatible? Je vais entendre dire qu'il était compatible. Il peut être compatible, mais je veux dire pleinement compatible. Si tu fais tourner PaintShop. Parce qu'on est toujours en bêta. Là. Mais si elle veut utiliser... elle veut utiliser PaintShop Pro. OK. J'essaierais voir WinOnX. Peut-être que ça fonctionnerait sans installer Windows, nécessairement. Peut-être que ça fonctionnerait sur WinOnX ou Wine. Il faudrait peut-être essayer. Il faudrait voir si c'est compatible. Mais bref, est-ce qu'un Mac Mini i5 ou un iMac i5? La différence entre les deux va être la carte vidéo qui, dans le cas de la madame, va avoir, de mademoiselle, va avoir une implication, je pense. Puis, si tu as besoin d'un écran spécifique, avec une grandeur spécifique, ou tu en as déjà un, puis il te satisfait, c'est sûr qu'un Mac Mini pourrait te satisfaire bien. Là. Puis si tu n'as pas d'écran ou si tu veux vraiment avoir la totale du iMac avec la carte graphique, là, effectivement, un iMac, ça pourrait être mieux. OK. Mais ça dépend aussi si on veut utiliser ce Mac-là juste de temps en temps. Peut-être qu'un Mac Mini, on pourrait le transformer en Media Center et il pourrait servir à plusieurs utilisations. Ça dépend de vos besoins aussi. Là. Donc... Parce qu'un Mac Mini, on peut acheter la version serveur là, de macOS. Mais c'est vraiment pas pour les besoins qui nous parlent. Là. C'est une machine qui va servir un petit peu de production, puis à rouler quelques programmes en même temps et des systèmes d'exploitation à l'intérieur de logiciels, à l'intérieur d'un système d'exploitation. Moi, personnellement, je pense que la plateforme iMac est une plateforme plus solide, plus rapide, plus robuste que la plateforme Mac Mini. Je sais pas... c'est sûr que ça scanne un peu partout, ça se place un peu partout, un Mac Mini, mais disons que l'appareil de production, puis on ne sait même pas si Apple va encore sortir des Mac Pro, là, donc l'appareil de production en aluminium, donc Pro, c'est un peu le iMac, là, les modèles les plus puissants en ce moment égalisent pas mal un Mac Pro. Un Mac Pro, ouais. On l'a vu cette semaine, là, il y a un gars qui s'est payé 2 barrettes de 16 gigs qui viennent tout juste de sortir. Il avait 32 gigs dans son iMac i7. Je pense que c'était le 3.7 gigahertz. Là, fait que c'était quelque chose de solide. Le 64 bits, il est limité à quoi au niveau de la RAM? Une couple de pétabytes, là. Autant que ça? Oh, ouais, okay. Oui, c'est ridicule. Là. En passant 64 bits, là, ils se sont protégés pour encore un bon nombre d'années. Parfait. Fait qu'on a une autre question que je viens de faire apparaître de LDPG. Mm-hmm. Bonsoir, les gars. Ben bonsoir. Comment fait-on un partage automatique en Wi-Fi dès qu'on branche le câble Ethernet? Première chose, il va falloir aller dans les préférences système. Ouais. Ensuite de ça, on va aller sous la rubrique partage ou sharing, qui est le petit dossier avec un petit icône jaune puis un petit personnage dedans. Troisième ligne, dans Internet et wireless ou Internet et sans fil. Et dans ça, on va avoir l'option Internet sharing. Donc, quand on clique dessus, en fait, ben, il faut avoir deux connexions Internet de connecter en même temps. Et à ce moment-là, on va pouvoir lui dire avec quoi on veut partager notre connexion Internet et de quelle interface provient l'Internet. Et puis, ça se fait aussi facilement que ça. Et puis, je pense qu'après ça, il va falloir créer un réseau. Est-ce que c'est possible? Ou il le fait automatiquement? Je crois qu'il le fait automatiquement. Je ne l'ai jamais essayé, franchement, pour vraiment dire. Là. Mm-hmm. Là, je ne peux pas l'essayer parce que là, je suis en Wi-Fi et je n'ai pas de câble Ethernet avec moi. Je vais te dire ça, je suis dedans. Parce que je ne peux pas l'activer, moi. C'est parce que ce que tu fais, c'est que quand tu es branché en Ethernet, par exemple, tu peux partager ton lien Internet de plusieurs façons. Soit tu le fais par Wi-Fi, soit tu le fais par FireWire, Bluetooth. Donc, si tu avais une deuxième carte réseau à l'intérieur, Ethernet, on pourrait le faire aussi par Ethernet comme ça. C'est un petit peu le même principe que l'iPhone en partage de connexion. Tu as un réseau supplémentaire qui va apparaître. Si disons que c'est en Wi-Fi, on peut y accéder directement de cette façon-là. Si je ne m'abuse, la faiblesse que j'avais vue, je crois que c'était au niveau de l'encryption. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais je crois qu'à l'époque, c'était juste du web. Peut-être que ça a changé depuis, mais je crois qu'à l'époque, c'était le web. Et là, je ne peux pas voir. Bon. Ah, c'est possible, oui, que... Non, je pense que tu peux créer un réseau protégé par WPA2. Oui, parce que... OK, ça l'a changé, je pense. Oui, parce qu'avant, c'était ça... C'est possible que pendant une période de temps, ça l'a été vrai, mais là, avec les dernières versions, je pense que c'est bien protégé. Mais la question aussi, il a mis « automatique » entre guillemets, c'est peut-être aussi une façon, peut-être nous préciser si c'est bien ça, que ce soit automatiquement branché à chaque fois qu'on a détecté. Bien, si on ne débranche pas son partage Ethernet, mais il y a un setup à faire à chaque fois, c'est sûr. C'est pas c'est une ouverture vers l'ordinateur qu'on donne de l'ouvrir en Wi-Fi. Donc, c'est clair que c'est un système qui est manuel dans le sens où ce qu'on veut, c'est que l'utilisateur soit conscient de ce qu'il est en train de faire pour pas que ce soit ouvert. D'ailleurs, en fait, le partage de connexion sur un iPhone... On oublie en fait assez facilement la bannière bleue qui peut avoir tendance à disparaître de temps en temps. D'ailleurs, là, je ne sais pas si c'est un bug ou un features. Là. Probablement un features pour eux autres puis un bug pour nous autres. Mais quand on partage la connexion, si ça disparaît, toi, tu ne le sais pas, mais lui, il est en train de broadcaster. Là, fait que ça peut être assez problématique. Puis, parenthèse, c'est moi, personnellement, quand je vais dans des cafés, c'est fatigant parce que la barre bleue, là, je parle, c'est plate qu'il n'y ait pas de moyen de la cacher parce que quand je développe, je peux pas essayer sur mon iPhone certaines images qui rentrent pas bien parce à cause de la barre. Ça, ça descend. Oui, oui, à la fin, je peux faire des tests là, quand c'est rendu dans une bêta, mais au développement de base, c'est plate un peu. Je pense qu'en jailbreak, tu es capable d'aller la déplacer ou de la minimiser ou quoi que ce soit, là, d'avoir de la mettre ailleurs. On a une autre question de Matt.31. Je pense que c'est un nouveau. Je crois que oui. Oui. Ben bienvenue à notre petit show. Un beau petit logo, je trouve. Ah, l'avatar, tu veux dire? Ouais, l'avatar. À côté. Ah. qui demande en fait qui utilise iPhoto sur iPad pour savoir si cela vaut le coup. Ça dépend qu'est-ce que tu entends par si cela vaut le coup. C'est une belle application pour ma part qui est jolie. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'éditer des photos si rapidement que ça? Je pourrais pas te dire, je vois pas vraiment le cas de figure où je me dis, tiens, je vais éditer la photo. L'autre truc que je me demande, c'est est-ce que la bibliothèque de photos, elle est synchronisée? C'est pas la même que ta bibliothèque iPhoto, dans le sens où ça prendrait beaucoup trop de place. Donc, c'est que les photos qui sont dans ton photo stream qui vont être synchronisées entre les deux, right? Oui, c'est ça, c'est exactement. C'est okay. le photo stream ou le ben, je sais pas c'est quoi en français, là, mais le camera roll. Là. Ouais. C'est juste ces deux-là. Aussi, je sais pellicule. Que je pense que c'est ça qui. Il y a une des applications qui se portait, je pense, jusqu'à 19 mégapixels, puis je pense que c'est celle-là, iPhoto. Qui, ouais. J'imagine en branchant une clé USB pour transférer des photos ou quelque chose comme ça, là, d'une caméra là, avec une carte SD. J'ai jamais essayé du 19 mégapixels, là, mais c'est intéressant que ça soit supporté aussi. Le fait, c'est qu'on peut zoomer vraiment proche là, de la photo. Ouais. D'ailleurs, c'est pour l'anecdote, là, mais une des nouvelles qu'on n'a pas faites dans l'autre, c'est un site web qui a analysé beaucoup l'écran du iPad qu'on peut utiliser avec certaines applications comme second écran pour l'écran d'ordinateur. Et je pense que c'est DisplayMate ou quelque chose comme ça qui font des sondes. Fait qu'ils ont vraiment testé l'écran. La restitution de gamma est à 99% parfaite au niveau de la restitution des couleurs. En fait, eux, ce qu'ils disaient, c'est pas juste le meilleur écran de iPad ou d'appareil mobile qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est probablement le meilleur écran qui est jamais sorti, même si tu regardes par rapport à des télévisions, par rapport à des écrans d'ordinateur ou de laptop, il n'y a rien qui bat ça. Et l'écran est assez de bonne qualité qu'eux autres le recommandent comme appareil pour... Quand tu travailles dans de la photographie de haut niveau, tu as besoin d'avoir un appareil qui te restitue tes couleurs comme du monde. Parce que c'est un écran Acer à 200$. Ta problématique, c'est que ta restitution de couleurs entre ton écran Acer à 200$ qui ne vaut pas grand-chose et l'impression que tu vas faire plus tard, ben ça ne sera pas bon. Donc, voilà. C'était pour l'anecdote. Est-ce qu'on a des... on n'a pas d'autres questions? Ah oui! Bon, une autre question qui vient de nous apparaître. Mon iMac mi-2008 s'éteint seul à l'occasion. L'autre fois, je l'utilisais pour Facebook et pouf, plus rien. Est-ce matériel? Si oui, lequel? Les iMac 2008 ou mi-2008, c'est pas les premiers, c'est des iMac Intel. Ouais. Mais je pense que c'est Intel single core, je pense. C'était pas dual core. Là. Non, les single core, c'est quand même sorti 2006-2007 pour au niveau des iMac. Fait que ça, c'est quand même un Core 2 duo. C'est peut-être un problème au niveau de l'électricité. Donc, la première chose à faire, là, qui coûte pas grand-chose, c'est peut-être faire un reset de PRAM. Donc, redémarrer l'ordinateur avec les touches Commande, Alt, P et R enfoncés. Et ça, vous le faites, en fait, vous mettez vos doigts sur les touches sans les enfoncer, vous redémarrez votre ordinateur et après le premier gong, vous enfoncez ces touches-là. Et là, vous les laissez enfoncer en attendant trois gongs consécutifs. Au troisième, vous retirez vos mains du clavier et vous laissez l'appareil démarrer tout seul. Si ça, qui est en fait, ça nettoie une espèce de cache dans l'ordinateur qui gère l'électricité, c'est plus souvent sur un ordinateur de portable que de table, mais c'est possible là, que la gestion électrique puisse avoir causé problème. Je vois aussi des fois des problèmes sur Windows qui... ça peut être tout simplement aussi la RAM qui est défectueuse au niveau matériel. Oui. Essaye... si, par exemple, on dit que tu prends... Tu as deux cartes de 2 gigs, donc un 4 gigs au total... Premièrement, switch-les, essaye-le. Parce que des fois, c'est une connexion en haut de la RAM qui passe. Donc, l'information passe dans toute la carte, puis il rencontre une connexion qui est plus bonne, puis là, fait planter ton ordinateur ou l'éteint. Donc, dans le fond, ça peut être ça. Ou essaye de rouler avec deux rames si t'es capable, ou dépendant, là, je dis quatre rames, mais ça se peut que t'en aies peut-être moins. Comme il y a deux barrettes de mémoire, en fait, dans les Mac, tu l'ouvres, là, c'est une ou deux petites vis en dessous, t'enlèves une des barrettes de mémoire, puis tu roules comme ça pendant un certain temps. Si le problème disparaît puis que tu vois pas de truc, il est possible qu'il y ait une petite problématique avec ta barrette de mémoire. Ou des fois, ça peut être le refroidissement qui se fait pas bien, donc des fois, il y a une sécurité qui est faite sur le disque dur puis le processeur. Donc, l'ordinateur va s'éteindre avant d'endommager le processeur. C'est une sécurité plus qui est sur tous les ordinateurs Mac ou PC. Est-ce que c'est possible qu'il y aurait beaucoup de poussière à l'intérieur du iMac? Parce qu'il y a des gens qui ont eu ce problème-là. Puis comme il n'y a plus de ventilation, mais justement, ce problème-là de chaleur devient trop élevé. Moi, je regarderais au niveau des petits widgets. Là, il y a iStats Pro qui pourrait nous donner la température à l'intérieur. Ça pourrait peut-être être un indice aussi. Là. Mm-hmm. Voilà. Mais sinon, si ça n'a pas une batterie, de la batterie interne, ça, est-ce que ça aurait un rapport? Je ne suis pas sûr. Je pense pas. Un dernier truc qui peut peut-être être fait, là, c'est un reset matériel. Donc, en fait, enlever le câble électrique de l'appareil, mais pas du mur de l'appareil. Parce qu'il ne le voit pas de la même façon, et tenir le bouton power enfoncé pendant, je pense, c'est une dizaine de secondes. Et à ce moment-là, ça fait une espèce de reset. Quelquefois, des appareils qui ont eu des problèmes, par exemple au niveau du power supply, peut-être une petite surcharge, mais qui n'aurait pas fait brûler le power supply, reviennent avec une manipulation comme ça. Donc, c'est ce qu'on suggère de faire avant de l'amener. Si tout ça n'a pas fonctionné, peut-être à ce moment-là l'amener en atelier pour le faire vérifier. Ouais. Puis l'autre possibilité, moi j'avais eu à peu près le même problème sur un portable, mm-hmm. et c'était un fameux bug de carte mère avec la NVIDIA 8600. Ah oui, bien ça, c'est sur les portables. Oui, sur les portables, et il remplaçait en fait le motherboard. Oui. Mais peut-être que ces modèles-là aussi d'un iMac ont eu un problème du genre. Et je crois qu'il y a une page à l'intérieur de Apple Support. On met son numéro de série et on peut voir les rappels qu'il y a sur un appareil. Oui. Donc, il y a un lien. C'est dans la section support de Apple et c'est vers la gauche. Il change vers la gauche. Et il change de place assez souvent. Là, voilà. Ouais. Ou power supply, effectivement, comme dit Mathieu dans le chat, c'est possible aussi qu'un power supply qui est plus assez performant fait en sorte qu'il... Quand vous allez pendant une longue période de temps au Apple Store, les ordinateurs, en fait, bon, c'est sûr que c'est peut-être parce que la boîte est plus massive, mais j'en vois beaucoup, beaucoup de iMac revenir. Et en particulier, les power supply des iMac G5, les derniers iMac G5 qu'ils ont sortis juste avant les Intel, le power supply qu'il y a là-dedans, là, il pète aux années. Il y a un peu de poussière dedans, puis il décide de faire sa chochotte, puis il rend l'âme. Celui dans l'ordinateur de ma mère l'a fait trois fois. À la troisième fois, c'était assez. Donc, on est allé lui chercher un nouvel appareil. Barnac, un fidèle auditeur qui nous demande quelles sont les apps must-have pour mon nouvel iPad 3. La première, en fait, puis on en parle tout le temps, il devrait nous payer. Ce serait probablement Tweetbot. Oui, c'est ça que j'allais dire. Jeff, est-ce que tu nous entends encore? On a perdu le micro. Tu l'as coupé internationalement? Oui, je l'ai coupé. Parfait. Oui, c'est correct. Je reviens, c'est bon. C'est bon. Sinon, en fait, ils ont une section sur le iTunes Store d'applications optimisées Retina. En fait, ils commencent tout à l'être. Là. Ça, ça va prendre un certain temps quand même. Oui. Mais le temps en fait de développer, si tu n'as pas les images, d'en faire pour des nouvelles images, puis des envoyer donc une semaine de plus après ça pour accepter via Apple. Bien souvent, sur le site de Lifehacker, ils vont donner ce genre de liste-là, les must-have. Ouais. Il y en a beaucoup sur le site Lifehacker. Et il me semble qu'il y en avait justement une sur le iPad 3 quand il a été lancé. Il faudrait que je retrouve la date du lancement ou le lendemain. Il y a une des applications. En fait, on a eu un promo code pour une application, mais on l'a gardé pour en faire la critique, en fait. Et il y a une application cette semaine qui est sortie sur l'App Store, qui est optimisée Retina Display, et qui est en fait, c'est la compagnie qui a fait Flight Control. Donc, c'était Flight Control, en fait, c'était des petits avions qui arrivaient dans l'écran, puis avec le doigt, tu lui disais, bon, ben tu vas prendre ce chemin-là, tout ça, puis tu vas t'arranger, puis c'est une job hyper stressante, en vrai, cette affaire-là, puis plus la game était compliquée, plus tu... en fait, c'était stressant. Puis, ils ont fait un nouveau jeu qui est Flight Control, je sais pas quoi. Il n'est pas là, je le vois pas. Ils ont changé les applications. Mais cette application-là, c'est un freemium, OK? Puis un freemium, là, c'est le mal. S'il y a quelqu'un qui veut débattre avec moi, là, c'est de la grosse marde. C'est en fait tout ce que Denis Talbot puis toute la gang qui tripe ses jeux vidéo dans leur podcast dénonce en ce moment dans des jeux plus hardcore sur des grosses plateformes. Le freemium, là, c'est censé être la voie de l'avenir, là, c'est... Tu télécharges le jeu pour gratis, puis là, tu peux te promener tout nu si tu veux, mais si tu mets du cash, ben tu vas pouvoir t'acheter comme un bonhomme plus fort puis péter la gueule à tout le monde. Fait que dans le fond, là, c'est comme c'est une application nazie, là, parce que si tu connais les bonnes personnes puis que tu as plein de cash, ben tu peux démolir ceux qui sont plus pauvres. Dans Google, si on tape « must have new iPad », vous allez trouver pas mal de sites qui vont vous suggérer des applications. Je n'ai trouvé un sur Fox News. Il parle de Starwalk pour l'astronomie. Ah oui, oui, oui. Puis d'ailleurs, de ce temps-ci, il y a Vénus et Jupiter qui sont à l'horizon très, très basse. Puis hier, il était une au-dessus de l'autre. Donc, ouais, l'application Starwalk pourrait permettre de voir ça. Mais on vous recommande quand même de venir nous voir. T'sais, on les essaye, les applications, puis on aime ça que vous venez nous poser vos questions plutôt que d'aller sur le site de Fox. Remarque, tout ce qu'ils donnent après, c'est un peu... Ça n'a même pas rapport avec le nouveau iPad. T'sais. C'est Netflix, Kindle, Weather Channel. Je veux dire. Une des applications qui va être un must-have à la prochaine mise à jour, ça va être Air Display. Air Display, c'est une application qui existe depuis un bon bout de temps. Moi, j'ai recommencé à l'utiliser dernièrement à cause du support que j'ai présenté dans le podcast et que je vais vous représenter, là, le Gorilla Mobile Ori. Et ce qui est intéressant, c'est qu'eux ont dit cette semaine que leur prochaine mise à jour, ils allaient offrir la possibilité... en fait, l'application, ce qu'elle fait, c'est que ton iPad est un deuxième écran. Donc, il est considéré comme un deuxième écran. Il est à côté. Puis si tu prends une fenêtre de ton ordinateur et tu la glisses dessus, ça fonctionne. Si même tu... Tu sais, moi, j'ai HyperDock sur mon ordi. Fait que quand je prends une fenêtre et que je la glisse vers le haut, elle se formate automatiquement pour la grandeur de l'écran dans lequel elle est. Et ça fonctionne très bien. Puis pourtant, avec Mountain Lion, ça fonctionne très bien sur l'iPad. Et eux, ils ont dit qu'ils allaient faire que la résolution du iPad soit respectée. C'est-à-dire que tu prends... Une image de ton écran de 17 pouces ou de 15 pouces, tu la déplaces dans ton iPad et elle va être de meilleure qualité dans ton iPad que sur ton ordinateur parce que la résolution du iPad est de meilleure qualité. Fait que là, tu peux faire un screenshot puis ton screenshot va être plus gros que si tu l'avais fait à partir de ton ordinateur. Je trouve ça très drôle. Puis un petit truc développeur simple, certaines personnes, des fois, va agrandir, fait une image puis n'a pas le double de la résolution mais a je sais pas moi, on dirait t'as une image, c'est 500 pixels puis il faut que tu l'ailles à 1000 mais ouais. Tu l'as juste à 750 à peu près. Un truc, c'est le logiciel Photoshop qui le fait très bien pour, en tout cas c'est le seul que j'utilise puis aperçu c'est de la chenoute là. Quand tu l'agrandis ou tu rétrécis des images, utilisez Photoshop, sérieusement, là, ils font de la super de belle job pour rétrécir ou agrandir des images. La qualité vous en perdez le moins possible. Souvent, pour une image de développeur, c'est 512 par 512 pour une icône de iPhone ou d'iPad. On la fait à 512 comme ça, puis ensuite on la rétrécit pour l'iPad puis pour l'iPhone. Okay. La rétrécir, avec aperçu, c'est de la chenoute parce que c'est tout est flou. Puis avec Photoshop, ça fait vraiment une belle qualité. Donc, c'était juste une parenthèse. Si vous voulez développer avec du Retina puis l'image n'est pas tout à fait à bonne grandeur, utilisez ça. Peut-être que ça va faire l'affaire. Il y a des outils spécialisés aussi qui vont de l'interlacement puis tout ça là, au niveau des pixels. Effectivement, ce sont des outils payants. J'ai eu une question dans le chat qui me demande, c'est YF qui me demande de répéter les deux logiciels. Je veux juste compléter, pour rouler des applications Windows à l'intérieur de Mac sans avoir besoin de Windows, c'est WinOnX qui est 5$ dans le App Store. Mm-hmm. Il y a Wine qui est gratuit. Donc, WinOnX est basé sur Wine. Mais WinOnX ont mis une interface beaucoup plus simple. Donc, c'est assez simple d'installer des logiciels. C'est assez rapide. Et il y a aussi Crossover. Et il y en a peut-être une autre là, que je ne me souviens pas. Mais, Crossover, c'est intéressant parce que je ne sais pas si WinOnX est pareil, mais Crossover ne nécessite pas de licence de Windows pour pouvoir rouler des applications. Les trois, c'est ça. C'est trois la même chose. OK, excellent. C'est tout basé sur Wine. Okay. Crossover est basé sur Wine et contribue d'ailleurs au développement de Wine. Mais eux ont mis un petit peu plus de stock à l'intérieur de leur logiciel, mais il est payant. C'est une licence payable à chaque année. Un petit peu plus cher, je pense, c'est entre 50 et 75$. WinOnX, c'est 5$. Peut-être qu'on pourrait essayer celui-là. Puis sinon, si on est un petit peu plus bricoleur, c'est Wine. Là, on me dit VirtualBox. VirtualBox, c'est plus un peu comme Parallels ou Fusion. C'est plus pour... VMware. C'est du VMware, donc c'est un outil de virtualisation. Donc, on fait rouler Windows à l'intérieur de ce logiciel-là. Voilà. C'est des technologies qui sont quand même assez bien maîtrisées. Donc, la virtualisation, ça fonctionne très bien. Puis, au nombre d'années où Crossover, WinOnX et Wine sont sur le marché, ça fonctionne aussi très bien. Ça dépend des besoins. Mais en ce moment, en fait, là, VirtualBox avec Windows 8, c'est une solution qui fait rouler Windows, même si c'est temporaire, et qui va bien fonctionner sur un Mac relativement récent. Il y a aussi un bundle récemment là, qui a été... C'est le bundle de Mac Update qui inclut VMware. VM Fusion. Oui. Et qui a aussi Drive Genius. Ouais, oui, puis Drive Genius dedans aussi. Donc, 50$, c'est un bon bundle. Exactement. Et je n'ai vu. C'est promo. Attends un petit peu. C'est MacUpdate.com, tu vas le trouver. Oui, c'est MacUpdate, puis il y a Mac Legion aussi qui ont sorti des bundles. Ouais, mais le Mac Legion, c'est fini de main. Il n'y a rien en plus. Il n'y a rien dedans. C'est vraiment du n'importe quoi. Il y en a un autre, c'est Mac Bundler que j'ai vu. Ah ouais? Lui, il n'est pas cher. Je pense qu'il est 10$. Attendez, je vais vous le retrouver. Si je peux taper la bonne adresse. Bon. 18$. Pour Mac Bundler? Mac Bundler? Ouais, 18$. Il y a Photo Styler, DVD Remaster Pro, Photo Recovery, puis Pictures Key. Je pense que c'est Picturesque. Ben, DVD Remaster Pro, c'est un logiciel qui est fait à Longueuil. Ah oui? Ah, ça va pas. Oui, c'est une petite boîte qui s'appelle Metakine, je crois, si je ne m'abuse. Non, ben Alexis, tu sais quoi faire? Ah, je suis sûr qu'ils sont très ouverts. Et ça te permet de copier des DVD, en tout cas, les transformer pour des versions mobiles. Mobile. Et il y en a une autre application dans ce bundle-là qui serait intéressante, c'est Photo Recovery. Si par malheur vous aviez effacé ou formaté, bonne chance, mais si vous avez jeté à la poubelle des photos de vos cartes SD ou vos clés USB, ils seraient peut-être capables de le retrouver. Mais ça, je n'ai jamais essayé. Pourquoi tu dis formater, bonne chance? Reformater, ben, ça dépend. Si tu as fait un formatage rapide, puis tu n'as rien à rajouter après. OK. Oui, oui. Parfait. On a une autre question. Oups, je ne les ai pas mis dans le bon ordre, je pense. Non, c'était l'autre avant. Oui, c'est ça. Désolé. Donc, VMware Fusion ou Parallel, on nous demande les différences. Donc, rapidement, en fait, à chaque fois qu'un ou l'autre sort une nouvelle version, il est comme plus rapide dans certains tests puis moins rapide dans l'autre. Ouais. Actuellement, en fait, moi, j'aime bien Parallel parce que c'est habituellement bundlé avec un paquet de logiciels qui servent à faciliter soit la migration d'une VM, soit la création d'une VM. Ça vient avec un antivirus aussi, des fois, si on prend la version la plus évoluée. Donc, moi, j'aime bien Parallel à cause de ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment mieux VMware parce que c'est une application qui est plus... qui est plus standard, je dirais. Là. Donc, elle se retrouve dans beaucoup, beaucoup de d'endroits où est-ce qu'ils ont besoin d'utiliser des VM. Et Parallèle, c'est plus rapide au niveau graphique. Oui, je pense que oui. Hein. Oui, ils font souvent des comparaisons puis ils misent beaucoup là-dessus. Voilà. On nous dit aussi que bon, Parallèle est plus ergonomique, que VMware est plus côté business et Parallèle est plus consumer, ce qui est tout à fait vrai. Voilà, on va essayer de faire une couple de questions en fait qui sont dans notre liste. La première nous vient de Francine Morin qui nous a demandé sur Mac Québec Entraide comment on fait pour imprimer le calendrier iCal lorsque j'ouvre mon iPad, il n'y a pas de bouton pour imprimer. Et c'est vrai, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de bouton de partage dans iCal pour envoyer à une imprimante en AirPrint. Donc, en fait, le but du iPad, c'est un peu ça aussi, de se débarrasser du papier, mais on peut comprendre que, je sais pas, pour une, tu sais, il y a quelqu'un qui pourrait monter un horaire sur un iPad, puis après ça, ben, vouloir le distribuer à des gens, donc vouloir l'imprimer. Et pour ce qui est de la réponse, c'est l'ami Mario Gaucher qui nous a trouvé CalPrint, CalPrint, de la compagnie Eurosmarts. Et en fait, pour l'anecdote, ben, on a contacté CalPrint. On a demandé des codes promotionnels et aujourd'hui, j'ai contacté Mme Morin et je lui ai donné le code promotionnel pour CalPrint. Donc, simplement en posant une question comme ça, elle s'est retrouvée avec le logiciel qui était sa solution. Étais-tu bien contente? Ah, la madame était bien contente. La madame était contente. Bon, c'est bon ça. Voilà. Ben moi, j'aurais une question pour AutoCAD. J'avais un code promo pour AutoCAD. Ou Adobe, si jamais vous voulez Adobe, là, si on a, en fond, on pourrait, si on arrête de vous bitcher, peut-être recevoir 2-3 codes pour les tester, on va dire. Ouais, la nouvelle version, là, pas de flash dedans, là, ça va être super. Ouais. Mais j'essaie de les contacter via le compte Twitter Adobe pour essayer de me retrouver dans un des événements. Ils en tiennent quelques fois pour les présentations du nouveau Photoshop et tout ça, puis peut-être aller interviewer du monde. Au Québec? Oui, ils en font souvent. Là, j'ai été invité il y a quelques années. Okay. Puis ils en font pour les revendeurs, ils en font pour certaines maisons de graphisme, tout ça. Fait que j'essaie d'aller voir ça puis pouvoir aller poser des questions à propos des trucs qui ne sont pas montrés ou des questions qu'on se pose. T'sais. Fait que je vais voir ce que ça va donner. Il y a Thierry Chartrand qui nous a demandé sur Mac Québec Entraide comment utiliser les touches F2 et F4 dans Office pour Mac. F2 qui sert à normalement à renommer un fichier, mais dans Word, ça sert à faire quelque chose. J'avais trouvé, là, mais je me souviens plus trop. On a regardé ça. Puis en fait, ce qui se passe, c'est que les touches du clavier sur Mac servent à faire des actions comme monter la luminosité, par exemple, pour la touche F2 ou démarrer Dashboard pour la touche F4. Okay. Et à la base, en fait, tout dépendant, là, mais à la base, le clavier fait exactement ça quand on touche à ces touches-là. Et il faut rajouter, pour qu'ils fassent leur job de touche F, faut aller toucher à la touche FN de votre clavier, qui est en fait plus, c'est la touche fonction. Souvent, les touches F1 à F12, on les appelle les touches fonction. Mais là, sur un clavier Apple, il y a une touche FN qui est une touche fonction et qui sert à activer, si on veut, ces touches FN-là. Si vous voulez désactiver cette façon d'agir-là, cette façon qu'a l'ordinateur d'agir, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus besoin des touches FN que du fait de dashboard et de monter la luminosité, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous allez dans les préférences système sous la rubrique clavier. Et à ce moment-là, il y a une petite case qui dit « Utiliser toutes les touches F1, F2, etc. » comme des touches de fonction standard. Et à ce moment-là, ben, vos touches F1 à F11 vont être un petit peu chamboulées, mais au moins, vous allez pouvoir utiliser ces touches-là dans Word de la bonne vieille façon, c'est-à-dire en appuyant uniquement sur les touches. Bravo à Microsoft d'abord pour utiliser des touches de façon standard. Bravo. Oui, bravo. Très, très winner. Et bravo que ça fait aussi presque un an que Office n'a pas été mis à jour à Lyon. Fait que bravo. Ouais. Une main d'applaudissement. Ouais. Moi, j'applaudis vraiment une main quand on dit ça. voilà. Prochaine question. Est-ce qu'on a du monde qui se sont trouvés découvert des questions en ligne? Non, pas encore. Non, pas encore. On en a une couple dans le livre, je pense. Dans le document. Oui, dans le document. Je vous laisse aller. J'ai beaucoup des logiciels d'impôt dans le chat présentement. Ouais. Effectivement, il n'y en a plus de logiciels d'impôt pour Mac. Il y avait Impôt Rapide avant, mais ils ont abandonné la version. Et il y en avait pour Mac, mais ils ont été comme rachetés par d'autres compagnies, comme Taxtron, par exemple. Puis on avait fait un wrap-up, je pense, il y a 2-3 épisodes. Puis le seul que tu avais trouvé, il y avait comme il était douteux, là, disons. Moi, je ne mettrais pas mes chiffres de l'argent que je fais. Puis mon impôt là-dedans. Là, il y avait un espèce de fond brun bizarre sur le site. Ça l'inspirait pas confiance. Ouais. Bon, OK. Je vais poser les questions que Louis-Philippe m'a envoyées sur Twitter aujourd'hui parce qu'il dit « Ah, ça y est, Jeff va répondre à ma question à la fin de l'émission. T'sais, fait que, faut que j'aille me coucher, je suis papa, je travaille, gna gna gna. » Fait qu'on va répondre à la question immédiatement. Dormir quand t'es papa, c'est pour les chochas. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'il nous a posé une question. Il dit « J'ai acheté un livre dans l'application d'Archambault sur iPad. » Puis il se demande si on peut l'envoyer sur son ordinateur. J'ai pas d'iPad. D'après moi, le système de fichiers d'Archambault, ça doit être du bon vieux EPUB. C'est du EPUB protégé par un DRM d'Adobe. Donc, il faut aller chercher l'espèce d'application de lecteur de hip-hop de Adobe, rentrer son compte dedans et les credentials et tout ça. Ce que je me demande, par exemple, c'est parce que je n'ai pas utilisé l'application Adobe. Là. Il y a un académicien qui en a gagné pour 10 000 $ tout à l'heure, là, mais de livres électroniques puis d'autres cochonneries à Chambault. Mais je ne sais pas si c'est possible, parce que dans l'application, tu télécharges directement. Donc, l'application, c'est une application de liseur. Puis, s'ils n'ont pas fait une bonne job... Parce qu'il veut l'envoyer dans l'iBooks. Il veut l'envoyer dans l'iBooks. Il ne veut pas passer... Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, c'est sûr. Ça. Parce que le iBooks gère ses propres DRM à eux, qui sont, je pense, c'est la licence Fairplay. Tandis que Archambault, eux, utilisent les DRM de Adobe, qui sont... un espèce de standard, mais j'aime mieux m'ouvrir les veines qu'avoir ce standard-là. Je suis désolé. Tu peux pas mettre, comme tu viens de dire, tu peux pas mettre de fichiers comme ça de Adobe parce qu'il y a un DRM alentour de ça sur l'iPad qui ont des formats DRM aussi. Par contre, tu peux mettre des EPUB qui sont ouverts, qui sont pas barrés, en fait, sur l'iPad, ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Il existe des logiciels qui s'appellent... EPUB DRM Removal. C'est comme dans le temps avant les DRM sur iTunes, sur les chansons, il y avait iTunes DRM. T'as pas pris tes médicaments, Bernard? Non, mais c'est des mots comme la tourette de même, là. EPUB DRM Removal. Ben, c'est parce qu'il y a une application qui s'appelle comme ça. Ah. EPUB DRM Removal. Peut-être que ça existe juste sur PC. Non, je pense qu'il existe sur Mac. Okay. Je vais vérifier. Il y a un autre logiciel, est-ce que c'est Calibre? Calibre étant un logiciel gratuit. Je vais juste l'ouvrir pour voir si c'est le bon. Sinon, il y a une application qui s'appelle Blue Chip ou Blue Note ou quelque chose comme ça sur iPad. Et en fait, je parlais un petit peu plus tôt là, d'un client qui avait acheté justement des livres chez Archambault, mais lui les avait achetés d'un ordinateur. Donc, le fichier était téléchargé dans son ordinateur. Maintenant, pour pouvoir les lire sur son iPad, ce qu'il fallait, c'est qu'il télécharge une application dans laquelle il rentre, blablabla, les codes DRM. L'application allait vérifier sur les serveurs d'Adobe si les credentials étaient corrects et si le livre était authentifié. Tu sais, je vous en parle, j'ai mal au cœur. Depuis quand, pour avoir accès à un livre, tu sais, comme... Mettons, je serais nazi, là, au lieu de brûler un livre, c'est ça que je brûlerais à la place. Là, t'sais, voyons, la haine est bien plus envers ces cochonneries-là qu'envers un truc de papier que t'ouvres. Ça n'a pas de bon sens. C'est ridicule. Il n'y a tellement pas de choses que tu peux faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test avec Calibre. Calibre, qui est un logiciel qui est gratuit. C'est soit de la gestion de livres électroniques, ouais, ou soit qui va convertir, par exemple, un livre qui est en PDF et va en faire une version EPUB. Okay. Calibre, y a-t-il une interface qui n'est pas super beau? Je peux te la montrer. Je ne sais pas si on pourra voir. Je ne sais pas si on peut voir là, présentement. Oui. C'est ça, pas ouais, super. Ouais, je pense que c'est. Ouais, okay, ok, bon. C'est bien basic. Oui, c'est basic, mais il est gratuit. Mm. Donc, là, je n'ai pas fait la mise à jour, ça fait un petit peu de temps. Là, mais en fait, ce que tu fais pour. Tu enlèves les DRM d'un EPUB, puis tu le reconvertis pour en faire une version qui va rentrer dans l'iPad. Ouais, en fait, c'est ça. Il efface pas le DRM en tant que tel. Il crée un autre fichier, puis ils mettent le texte dedans, puis ils refont le même format avec les mêmes propriétés ou. Le semblant des mêmes propriétés. En fait. Ouais, il fait les chapitres, il refait les trucs à cossin. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que Apple se réserve quand même le droit de refuser une application qui va faire exactement la même chose que leur application à eux autres. Donc, pour pas que l'application soit refusée, ceux qui veulent se lancer dans le domaine des applications pour lire des EPUB sont obligés d'offrir, en fait, peut-être un petit peu quelque chose de différent. Puis, si c'est différent... C'est pas que Apple fait nécessairement les meilleurs, mais disons qu'ils se réservent en fait la façon de faire la plus smooth souvent. Fait que l'autre est obligé de faire quelque chose qui est comme moins intuitif à utiliser. Par contre, moi j'entends beaucoup de gens dire que l'application Kindle est très très bonne. Que ce soit sur l'iPad ou sur d'autres tablettes, cette application-là serait très, très bonne. D'abord, elle a l'avantage d'exister sur Mac, donc ça nous permet de lire nos livres sur Macintosh, ce qui n'est pas le cas avec les livres qu'on achète du iBook Store. Il faut les lire sur une tablette ou sur un appareil iOS. Mais le désavantage, c'est que tous vos livres doivent être achetés par Amazon. Puis eux autres aussi ont leur système de DRM là, qui va fonctionner, sauf qu'au moins, ils sont sur toutes les plateformes. Bon. Mm-hmm. Voilà. Sinon, comme autre question, on nous a demandé, on avait une question, je pense, sur le Apple Care. Ouais, ben sur Mac Québec Entraide. Oui, c'est Marc-Antoine Bertium qui fait partie de l'équipe de Mac Québec aussi. Il va être comme moi bientôt, il va s'acheter un nouveau MacBook Pro et il se demande s'il devrait prendre le Apple Care que Apple offre à 279 $, ou comme Marc-Antoine Bertillon, il est étudiant, fait qu'il est à 199 $. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que moi, quand j'avais acheté mon portable, je l'avais pris, puis je m'en suis servi comme deux fois. Pour faire une réparation hors garantie? Hors garantie, parce que ta garantie tombe de 3 ans en tout. Là. Mm-hmm. Fait que je m'en suis servi trois fois pour. Parce que moi, c'est le blanc que j'ai, le MacBook blanc. Puis avec cette version-là, avec le top, quand tu le fermais, là, c'est dur à montrer à l'écran, là, mais tout le rebord qui est sur le bord de l'ordinateur, ce qui est le clavier tactile, le pad tactile, il s'est fendu. Oui. C'est un problème avec ça. Fait que... Mais tu n'aurais pas eu besoin du Apple Care pour faire changer le clavier. Non, ça, je sais, il y avait un rappel. C'est ça, ça, j'avais pas checké, mais en tout cas. Puis, j'avais eu aussi un problème de batterie. La batterie, elle ne marchait plus pantoute, là, comme celui qu'il a présentement, là, qui ne fonctionne pas. Oui, oui, oui. Mais moi, ils me l'ont changé. Okay. Parce que vu que j'avais le Apple Care. Moi, j'avais pas d'Apple Care, puis ils m'ont changé deux fois la batterie. Ouais. Moi, je suis allé cette semaine, puis ils n'ont pas voulu, mais je vais appeler Apple, puis je vais leur dire « Hey, sur votre site web, Jean-François, il a trouvé la politique de garantie légale, puis je pense qu'à 2500$, un ordinateur devrait toffer moins de 3 ans, puis c'est au mois de juillet là, qu'il est à 3 ans, cet ordinateur-là. » Ouais, c'est ça. Je vais leur brasser un peu la cage. Parce que quand on va sur le site de Apple, sur l'Apple Care Canada, il y a aussi c'est ça, tu as un bouton, puis il t'apparaît un fichier PDF et c'est la garantie légale du Québec. Ouais. Qu'ils ont mis sur leur site à eux autres. Ils sont obligés de faire, de toute façon. Ils sont obligés. Puis moi, je dirais aussi que vous avez toujours un an avant d'acheter l'Apple Care. Ouais. Il faut vraiment faire attention pour pas dépasser la date d'achat. Là. C'est super pratique quand tu es étudiant. Le montant d'un Mac, c'est plus cher qu'un PC. Si tu en as un puissant, pas de grosse différence, mais quand même. Puis moi, j'en achèterais pas un d'un coup, mais effectivement, comme étudiant, c'est super pratique. C'est, dans la même année, tu pourras en acheter un, puis tu peux mettre tes dépenses. Qu'est-ce qu'il y a chez F? On dit dans le chat, la garantie légale, faut pas passer par la cour des petites créances pour la faire respecter. S'ils veulent pas l'honorer, oui, tu peux aller dans... Tu passes par là, c'est ça. Mais s'ils le font, ben, tu n'auras pas besoin d'aller... Ça coûte 60$ ouvrir une cause aux petites créances, et ce 60$-là est remboursé dans la mesure où vous gagnez. Ouais. La loi étant relativement claire, en bas de 3 ans, un juge va vous donner gain de cause et vous allez repartir avec votre 60$ et un papier qui oblige la compagnie, que ce soit le revendeur ou Apple directement, à faire la réparation. Habituellement, c'est Apple directement. Moi, j'ai une question. Oui. Avec la hausse des étudiants qui prévoient sur le 1696$, pensez-vous qu'on va avoir moins de iMac, de MacBook Pro vendus au Québec à cause des étudiants qui n'auront plus d'argent pour acheter des MacBook Pro ou des portables? Ben, je sais pas. Déjà que chaque étudiant devrait vraiment se sentir mal de, un, avoir un iPhone et, deux, être sur une terrasse une journée de mars où est-ce qu'il fait 22 degrés. Moi, je vous dirais... Monsieur Martineau. Avez-vous vu aujourd'hui, il y a eu une pancarte. Les pancartes étaient magnifiques. Le nez rouge. Non, oui, mais il y avait ça. Sophie Desrochers. Malade. Sophie Desrochers? Oui, c'est la blonde de Martineau. Ah, je ne l'ai pas vue, celle-là. C'était malade. Sophie Desrochers. Ah, ben, OK. Bon. C'était notre magnifique moment éditorial de la soirée. Voilà. Alors, non, c'est ça. Fait que pour revenir au Apple Care, moi, je vais le prendre. Je vais le prendre, c'est sûr. Là. Je l'ai toujours pris. C'est quelque chose qu'on prend pour éviter du trouble. C'est ça. La journée où est-ce que ton ordinateur va péter, là, tu n'auras pas le temps de monter le dossier, payer le 60$, aller au cours des petites créances et faire respecter ta réparation. De toute façon, bon, je vais chialer à Apple, sauf que je sais bien qu'une batterie, au bout de 2 ans et demi, est comme un petit peu à changer. Fait qu'il est très possible qu'ils me disent « Bien, c'est un consommable, puis un consommable, c'est pas changé sous garantie. Sèche le gros. » Moi, si je veux juste apporter une petite parenthèse sur les affaires des étudiants, les coûts de... pour travailler dans ce milieu-là, je vous dirais que le problème, à mon avis, n'est pas au niveau de l'augmentation. Le problème réel est au niveau des prêts et bourses. S'ils donnaient vraiment les bons montants, si tu augmentes les frais, mais qu'en même temps, tu augmentes les prêts et bourses... Bien, ils le font. Ils le font pas vraiment. Bien, il y a une augmentation de 118 millions là, qui ouais, est faite, Ouais, on personne... répond bien d'étudiants, 200 000, 118 millions, vous avez 118$ de plus, puis 1100$ de plus d'augmentation. Mm. Avant, tu avais moins de prêts, tu avais plus de bourses. Ouais. Il y a plusieurs années de ça. À un moment donné, c'était devenu égal, puis maintenant, il n'y a plus personne qui... Écoute, faut que tu gagnes 5 000 $ par année pour avoir une bourse, là. Non, ouais. Tu sais, c'est ridicule, là. Faut être conséquent. Ouais, moi aussi, j'en ai déjà fait une, puis j'en ai jamais... Mais, on m'a refusé, là. Mais si tes parents gagnent plus que 60 000 $ tu n'auras pas le droit au crédit de bourse. Mon père habite aux États-Unis, donc il ne vit pas avec nous, puis ma mère elle travaille toute seule. Dans le fond, elle nous élève, fait que tu sais, elle ne gagne pas 100 000, c'est pas un médecin, là. Fait que... Moi, je travaille, puis j'essaie de payer mes affaires, puis c'est sûr qu'une bourse, ça m'aurait aidé, j'aurais rushé un peu moins. Je me suis débrouillé, mais c'est sûr que c'est un peu... Et l'autre point que je pourrais dire, les lots voyageurs, ça a coûté 500 millions de dollars au gouvernement. C'est comme le trou qui manque, tu sais. C'est le trou, exactement. Et l'augmentation va ramener quoi, 325 millions? Mm. Bien là, tu as gaspillé 500 millions pour une coquille vide, encore au centre-ville. Tu sais, à un moment donné... Je suis un peu partagé, je suis un peu d'accord qu'il y ait une certaine augmentation aussi, parce qu'il y a le coût de la vie, puis bon, les universités, il faut qu'ils s'épanouissent, mais en même temps, il y a toutes sortes de choses de l'autre côté qu'on voit. Mais tu sais, il y a le coût de la vie, puis il y a augmentation jusqu'à 1 600 sur 5 ans, tu sais. Sur 5 ans, c'est l'affaire, puis surtout... C'est 3 ans, by the way. C'est 3? 3, OK. Oui, c'est 3 ans. Ouais, si on... Hier, on débattait sur 5. Non, 5 ans, excuse. Ouais. 5 excuse. Ans. C'est le rachat. C'est le rachat d'action. Mais oui, c'est ça. Puis s'il y avait une augmentation stable, mais très, très basse sur plusieurs années, oui, ça pourrait suivre sur le coût de la vie. Sauf que c'est le fait d'une augmentation comme ça rapide, une augmentation où... Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours eu une augmentation. Il ne les mettait pas sur les frais de scolarité, il les mettait sur toutes sortes d'autres frais d'amélioration technologique. Il y a déjà eu ça. Frais d'abonnement. En réalité, il y en a toujours eu des augmentations. La facture totale pour aller étudier, elle a augmenté avec les années, avec toutes sortes de frais que les universités ou les écoles trouvaient ou que le gouvernement trouvait. Donc, il y en a toujours eu des augmentations à quelque part. C'est juste qu'on ne mettait pas ça sur le nom « frais de scolarité ». C'était toutes sortes d'autres frais. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que si l'initiative des étudiants ne fonctionne pas actuellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retourner de bord, puis on va faire une manifestation pour qu'Apple diminue le prix de ses ordinateurs. Comme ça, les étudiants vont pouvoir continuer à s'en acheter. Puis là, on répond à la question de JF en ce moment. Oui, puis on n'est pas obligé de changer le nom du show. Ah, OK. Et voilà. Dave Hardy, sur Facebook. Sur Facebook. Dave qui a attendu avec nous autres pour le iPad, qui est venu, qui était quatrième. Il se demandait s'il allait arriver à temps, tout ça. Ouais. Donc, il nous a demandé, est-ce que c'est possible de synchroniser son compte Hotmail dans Mail entre iPad, iPhone et iMac? Il dit, ça me crée un compte iCloud et un compte Hotmail dans Mail. Et là, mon Hotmail ne se synchronise pas par iCloud. Effectivement, en fait, la synchronisation... En fait, le premier conseil qu'on donnerait à Dave, c'est d'arrêter d'utiliser Hotmail. Première chose. Deuxièmement, il y a moyen de configurer son compte Hotmail en Exchange, qui est un protocole avec la technologie ActiveSync, qui est une technologie développée pour les bureaux qui synchronise plusieurs appareils à la fois et qui est presque, en fait, c'est pas juste du push, là, c'est presque en temps réel. Là, donc, c'est quand même assez efficace. C'est-tu un genre d'IMAP? C'est plus que ça. Là. C'est mieux que ça. IMAP, mais avec contact, calendrier, ces choses-là? Voilà. OK. Donc, d'abord, il faut savoir que Gmail peut se configurer en Exchange. Comme ça, ils ont acheté une licence ActiveSync et ils peuvent le faire. Mais Hotmail aussi se configure. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les réglages sous Mail, Contact, Calendrier, choisir d'ajouter un nouveau compte Mail. Et là, plutôt que de choisir Hotmail directement, puis... Il me semblait que Hotmail le faisait maintenant. Là, il catchait. Là, mais si vous allez dans Microsoft Exchange et que vous rentrez votre adresse Hotmail, votre login et votre mot de passe, et puis vous laissez les autres champs vides, vous faites suivant. Et là, après ça, il va y avoir un nouveau champ qui va apparaître qui va vous demander l'adresse du serveur. L'adresse du serveur ActiveSync de Hotmail, c'est m.hotmail.com. Vous rentrez ça et puis à ce moment-là, vos emails devraient être synchronisés. Vous faites ça sur vos trois appareils et puis ça devrait fonctionner. Et voilà. On suggère bien gros de... Ouais, de laisser tomber Hotmail. Hotmail. C'est super simple maintenant. Là. L'autre solution serait de forwarder ou de demander à Gmail d'aller pomper les emails de Hotmail. C'est comme tu as déjà dit dans un ancien podcast, même nous, on n'était pas là, Jeff puis moi. Tu fais des forward comme ça, puis je veux dire, nous, quand on déménage, t'as toujours une trace, là, ouais. Que ce soit par courriel. Tu fais un forward pendant 6 mois, le temps de voir, là, tu vois tes courriels qui rentrent dans ton adresse Hotmail, t'as le temps d'échanger, puis ensuite, quand il n'y a rien qui rentre, t'as supprime, puis il n'y a pas de problème. C'est un peu comme à la poste, t'as ton 6 mois gratuit au début, puis ensuite, bon, tu peux payer après, mais je veux dire, ton 6 mois, t'en as en masse là, pour changer toutes tes adresses. Là. Moi, j'irais utiliser un service qui s'appelle, par exemple, PO Box, qui existe depuis je ne sais pas combien d'années. C'est un email forwarding. En fait, tu donnes une adresse. OK. Et toi, tu as un compte et tu vas gérer à quelle adresse tu peux forwarder tes messages. Fait qu'en fait, tu donnes toujours la même adresse. Puis peu importe si tu changes de fournisseur, si tu changes Hotmail pour Gmail ou quoi que ce soit, les gens vont toujours t'écrire. À la même adresse okay. email. Fait que c'est toi qui décides vers quoi tu t'en veux. Ça fait-tu l'inverse? Si jamais j'écrivais avec une adresse, je vais répondre avec cette adresse-là, non? Oui, tu peux aussi créer ton propre domaine, me semble, de mail aussi. Ouais. Personal domain, tu peux créer ton propre domaine de courriel à toi. Tu as du email forwarding, tu as du email box. Puis, tu as d'autres services, là, filtering, etc. Donc, c'est pobox.com. P-O-B-O-X.com. Ça règle pas mal des problèmes de ce genre-là. Entre autres, il y a ça. On m'avait donné une adresse là, qui m'échappe, mais une des problématiques qu'il y a, c'est des fois... Vous avez une adresse comme, par exemple, je ne sais pas, là, Vidéotron ou quelque chose comme ça. Et quand vous arrivez chez quelqu'un qui est avec Bell, quand vous essayez d'envoyer un email, ça ne passe pas. Ouais. Ils ne veulent pas utiliser les SMTP pour envoyer le email. Donc, à ce moment-là, ce service-là, en fait, permettrait, ça serait une espèce on paierait pour avoir une espèce de SMTP sortant, mais universel, qui fonctionne partout. Mais qui a l'avantage de répondre avec votre adresse courriel à vous et non pas, par exemple, avec... on pourrait configurer pour passer par Gmail, mais si vous passez par un client mail pour répondre à un email qui vous a été forwardé par Gmail, ça va répondre avec votre adresse Gmail. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. Mm-hmm. Voilà. On a une autre question auquel tu vas répondre, Jeff. Oui. Okay. Vincent aussi, il va pouvoir m'aider parce que je ne me connais pas trop là-dedans. Ah, OK. C'est bon. Jacques Arpin sur Mac Québec Entraide, il nous fait demander est-ce que c'est possible d'ajouter une image cliquable dans un lien URL dans la signature de mail? Oui. Oui, c'est possible, mais il faut créer la signature en HTML. Exact. Pour que ça fonctionne. Alors, il faut que la personne ait un peu de connaissances en HTML. Dans Outlook, tu as cette fonction-là. Tu peux faire une signature en texte seulement ou une signature en HTML. Tu peux copier-coller, dans le fond, ton code. Il y a des services gratuits aussi qui offrent des petits... pas obligé même de télécharger un logiciel. Ils font la conversion automatique. Ouais. Ah ouais? Mais le problème, c'est à l'autre bout. Si la personne décide de ne pas avoir de courriel en HTML pour toutes sortes de raisons, mm-hmm. que c'est du texte seulement... Tu vas avoir du code gibberish. Là, c'est ça. Donc, moi, je recommanderais pas trop ça. On voit souvent, des fois, on voit des gens qui nous envoient un courriel, puis qui a comme un fichier attaché, puis finalement, il n'y a pas de fichier attaché. En réalité, c'est l'image qui est dans la signature, là. Ouais. Mais des fois, ça ne fonctionne pas toujours, puis ça ne passe pas certains filtres ou certaines protections. Ce sera à voir, mais moi, je pense que si en 2012, tu n'es pas capable de recevoir des courriels en HTML5, il y a comme un petit problème. Il y a comme ton gars d'IT est juste comme over-énervé, là, ou en tout cas. Ouais, ou il n'est pas allumé. Là, ouais, c'est ça. Autant encore Lotus Notes. Ah, ouais, c'est ça. Il fonctionne de même. Il fonctionne avec Lotus Notes où est-ce que mettons le travail. C'est l'ancêtre de Outlook. Là. Ok, c'est j'étais genre pas né, j'imagine. Ouais, voilà. Ben voilà. C'est vieux quelque chose de rare, celui-là. T'es pas né quand ça fait ton affaire, toi, hein? Ouais, pas mal, ouais. Va te faire faire un t-shirt. Je suis pas né quand ça fait mon affaire. Juste un peu avant le show, il y a Jonathan Moreau. Qui, encore une fois, a passé une nuit avec nous à attendre pour le iPad. On était quand même pas mal de monde. Mais lui, c'est la deuxième fois qu'il attend. En fait, il était premier pour le iPad 2. Puis là, il était deuxième pour le nouveau iPad. Donc, il ne l'achetait même pas. Il ne l'achetait même pas. En plus, il est venu s'acheter un câble. Il est rentré, il a attendu comme... Il a attendu de 5h à 8h le matin. Il est rentré, il a fait « Tu peux-tu avoir un cover, s'il te plaît? » Alexis, juste une seconde. Toi, t'étais-tu le premier à faire la file? Oui. T'as-tu eu un 2 iPad? Non. Ah, c'est donc... Pourquoi? Ben souvent, ils faisaient ça. Là. La première personne recevait un iPad gratuit quand t'en achetais un ou t'en avais un gratuit au début, là, dans les premières années. Là. Ils nous ont même pas donné les parapluies, mon gars. Fait que les iPads gratuits... Non, il a fallu leur donner les parapluies. Shove it up. Mais donc, on va offrir le prix Samwise Gamgee à Jonathan Moreau pour être resté encore Samwise une nuit pour attendre Gamgee. Pour rien du tout. Il nous demande en fait, et je suis content parce que j'ai lu l'information justement aujourd'hui, il nous demande pourquoi le nouveau iPad n'arrive pas à afficher des images Retina dans Safari. C'est spécial quand même. Ben, ça dépend un peu. Attends un peu, là. Laisse-moi penser, là, d'y pas répondre. Là. Si l'image n'a pas été faite en genre de HD, c'est sûr qu'elle ne l'affichera pas. Là. Non, c'est une image qui est faite pour la résolution du iPad, mais okay. dans Safari elle ne s'affiche pas. Safari? C'est effectivement ouais. Safari. C'est le WebKit mobile qui compresse les photos à partir d'une certaine résolution. Dans l'article que j'ai lu un petit peu plus tôt, là, il disait exactement, là, c'était comme entre 1175 et 1176 pixels. Puis c'est probablement en fait une contrainte pour économiser de la bande passante, là, t'sais, parce que je mets un paquet de photos haute résolution pour iPad, je les fais apparaître en LTE, puis je t'en mets 212 sur une page, ben je viens de te manger ta bande passante solide. Ou t'sais, si t'es à 5 mégabits en haute vitesse, puis même si tu veux pas juste économiser ta bande passante en LTE, puis t'es sur un Wi-Fi, le temps d'ouvrir cette page-là va être beaucoup plus long que si jamais t'avais des images justement compressées. Ouais. OK, mais si, mettons, tu arrives sur un Wi-Fi, est-ce que l'image va être affichée en Retina ou elle va tout le temps rester? OK, tu n'as pas la conversion. Non, c'est vraiment le WebKit qui fait ça. Okay. Peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont mettre dans... c'est un setting qu'ils vont mettre dans iOS 6, mais c'est habituellement pas le genre de Apple là, de le faire. Il y a Jean-Michel, par exemple, qui dit que si tu télécharges la photo, elle va se télécharger en full résolution, par contre. Oui, si tu tiens ton doigt dessus puis l'enregistre dans librairie, effectivement, normalement, toutes les images sont toujours en full résolution. OK. Excellent. J'ai lu quelques bons articles d'ailleurs là-dessus là, qui faisaient des espèces de qui checkaient comme les images du 3GS puis les images du Retina sur le iPhone 4G. Puis là, ils disaient ben sur le iPhone 4G, ils mettent un espèce de filtre par-dessus qui fait que les lettres ont l'air c'est un espèce de flou de Gaussian blur qui fait que les lettres sont un peu plus floues, donc elles paraissent moins escaliers puis tout ça. En tout cas, désolé. L'article était quand même assez intéressant. Là. J'essaierai de le retrouver et de vous le donner. Messieurs, c'est ce qui met fin à ce 3 heures, parce que nous autres, ça fait quand même 3 heures de conversation Skype qu'on fait. Là. On commence toujours par une bonne demi-heure d'intimidation de Vincent. Oui, c'est ça, mais on va faire une demi-heure d'intimidation de Vincent. Oui, en fait, c'est ça. C'est 25 minutes au départ, puis ensuite, le dernier 5 minutes, on finit de se préparer. Moi, je suis revenu d'avoir pleuré. Jusqu'en Bernard arrive là, avec son micro qui ne fonctionne pas. Là, bon, c'est flash, le problème. C'est pour ça que Vincent est dans le noir. Là, il pleure dans la nuit. Pas de pantalon. Et nous, on n'y voit que du feu. Let's go, Mario Pelcha. Voilà. Ben écoutez, messieurs, on va se souhaiter une bonne semaine sur ça. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets, monsieur Jean-François? Oui, ben moi, on peut me retrouver sur Twitter à JFCroix1979, Facebook, Google, Mac Québec. J'ai délaissé Pat, j'ai délaissé l'autre, là, comment il s'appelle, donc, Pinterest. Puis. T'es-tu sur Highlight puis Banjo? Non. Là, comme, est-ce que là, ça va faire, là? C'est comme, quand je ne sais plus où sont tous mes comptes, là. C'est comme, je vais trop m'éparpiller que je me souviendrai plus trop où ce que je suis, là. Est-ce qu'il y a des gens qui te posent des questions sur Cora? Ah, un autre, non, celui-là, je ne savais même pas. Ah, tu n'étais pas abonné à ça? Ouais, c'est super cool. C'est du monde qui te pose des questions, puis quand tu réponds, tu as un déjeuner gratis, Cora. Ah, nice. Il y avait Farm Spring aussi dans le même principe. C'était mon jeu de mots qui n'a pas marché de la semaine. Ouais. Il y en a trop, là, à cette heure, des affaires de médias sociaux. Donc, ouais. Moi, j'aime bien gros mon Twitter. Excellent. Ben, moi aussi, je suis pas mal là-dessus. Donc, on te retrouve où sur Twitter, tu disais, JF? JFRoy1979. OK. Bernard? Moi, c'est @cybernard. Je pourrais bien le marquer, là, si ça vous tente. Oui, c'est bon, on peut le marquer. Hein? Ben oui, on peut le marquer. Regardez, on va faire ça. Il est cliquable, puis tout, là. Ah ouais? Oui, tu peux cliquer dessus, puis t'inscrire direct. Ouais. Il marque juste le sien pourri. Mais non, mais j'entendais Jean-François taper le sien. Tiens. Plus vite. Ben là, c'est de m'effacer. Attends, je vais toutes les mettre à la gang en même temps. OK, ben moi, c'est @cybernard sur Twitter, également sur Facebook. Et c'est ça. C'est pas mal là que je me tiens. Vincent, où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets? Sur les internets, dans les tubes, on peut me retrouver sur Twitter à DEVVMiller. Faut pas se tromper, c'est pas un W, c'est deux V, là, un à côté de l'autre. Ou sinon, sur mon site vmiller.ca. Encore une fois, je le répète, il y a une section genre français et anglais. Donc, si vous avez genre votre Safari, il fait la détection automatique. Là. Si vous avez Safari en anglais, puis vous allez vous connecter, il va vous envoyer vers une page, puis ça fonctionne pas trop. Faites juste taper FR là, en haut dans votre barre. Ça va fonctionner. Puis, mon cloud est à 44. Donc, OK. Je te torche avec mon cloud. Je suis presque rendu à 40. Il a augmenté 2 depuis hier. Fait que... à 54. Mon plouc est à 1. C'est bon, ça. C'est 1, c'est juste correct. C'est nouveau, c'est à nouveau, le plouc. C'est bon. By the way, pour ma part, en fait, mon Twitter va être Alex Cornelier. Et non pas alexis.com. Ah oui, c'est vrai, je me suis trompé, excusez. Voilà. Et vous pouvez me retrouver donc sur Twitter à cette adresse où, durant les dernières semaines, je suis beaucoup trop à mon goût. Et vous pouvez aussi me retrouver sur le site de MacQuébec où j'offre les services de consultation, de formation et de services techniques pour vos produits Apple à la maison. Si vous avez besoin de quelque chose ou qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions pendant les amateurs de Mac Bonsoir, ben à ce moment-là, vous pouvez avoir un geek à domicile et à ce moment-là, je peux vous donner un coup de main. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, Bernard? Ah, je pensais à une joke, j'ose pas la dire. OK. Il se joke. Ben, je vais la dire hors d'onde. C'est bon. En fait, ta joke, j'ai reçu cette semaine, j'ai un client à qui j'avais demandé « Peux-tu me faire une petite recommandation? » Je vais la mettre sur le site web. Fait que oui, Vincent, le contenu, je suis en train de le faire écrire par les autres. Et puis, il me l'a écrit. Et En fait, il fait une joke dedans. Il dit Alexis a réglé mon problème, mais là, j'ai un autre problème, c'est que je suis plus capable de m'en passer. Fait que j'ai répondu au client, j'ai dit, bon, ben c'est parfait, maintenant, je vais pouvoir ouvrir mon site de gigolo, tu sais. C'est ça. La joke est pas loin de là. Ça doit ressembler à ça, c'est ça que oui, je me suis... c'est... Moi, j'ai dit, c'est 20$ la danse, c'est ça, je pensais. Oh mon Dieu! Mais j'ai plus de 20$, fait que je peux plus vous payer pour vous laisser me regarder danser. Mais je voulais juste dire, parmi les gens qui ont posé des questions, aujourd'hui, on va faire tirer deux licences Hazel de la compagnie Needlesoft. On remercie Paul Kim pour les licences. On fait aussi tirer trois petites housses pour iPhone et iPod Touch, dont une qui est très, très rétro. Je ne sais pas si on ne va pas l'envoyer à Bruno Georget, d'ailleurs, qui est en fait une housse de forme cassette. Donc, on a ça à remettre. Cassette. C'est beaucoup à Jonathan Laberge. Vincent, une cassette, là, c'était avant les DVD, avant... Merci. Ça existe. Et après, les quatre tracks aussi. Fait que... voilà, les quatre tracks, c'est pas plus c'est quoi. Là, non, mais juste... c'est ça. Puis on pouvait se servir de cassette avec un Commodore 64 avec un dataset. Oui, ouais. Ça prenait 20 minutes de loader un jeu de, je sais pas, 10K. Commodore 64, ouais. Ouais. Il n'y a pas Amiga qui ressort aussi cette semaine? Ah, c'est possible, mais il me semble qu'il est déjà sorti. Oh, on nous dit que finalement parvenu à mettre sur mon ordi un livre acheté sur la chambre et ensuite envoyé dans iBooks. Avec quoi tu l'as fait, Louis-Philippe? Tu nous diras ça, on va conclure le show. On va conclure le show, on va vous souhaiter à la semaine prochaine. Ouais. Bye bye. Salut bien. Bye bye.